international audition bouquet bouquet. Et les sages moi pas ça. On parle du loup, on voit sa queue. Et voilà donc le sage Oyagami Sama sur scène en européen comme en américain. Ok. Oya kubula kubula tia kunakwe. Ya ya tia. Oya. Fast a vivre. Le sage, c'est le corps intérieur, le corps de Dieu, le corps saint. Les vrais inspirés commencent par une courte folie avant de devenir star. Star, c'est la personne qui a des oreilles, des yeux et une bouche sainte. Je suis dans la spiritualité, mes chers amis, je ne suis pas n'importe qui. Eh bien, excusez-moi, quoi. Donc, si je le dis, il fallait que je le dise, quoi. Parce que ça trop dépasse, s'il vous plaît. Donc, écoutez-moi et je vous remercie.